Chapitre 3. Le charcutier de chair humaine. Mon cher et éminent docteur, dit Paul Barr, j'ai besoin de vos lumières. Vous allez m'aider, s'il vous plaît, dans ma mission. Du théâtre du crime, je suis revenu tout exprès à Paris pour vous voir. Et Paul Barr conta au célèbre docteur Pierre, le grand médecin légiste parisien, l'affaire des éventrés de Grimaud. En principe, expliqua le docteur Pierre, si la psychiatrie des criminels de ce genre, vampires, satyres, éventreurs, étrangleurs, artisans de crimes en série, est encore obscure, leur comportement par contre est bien connu. Ces charcutiers de chair humaine sont des obsédés obéissant à une idée fixe. On doit les tenir pour des irresponsables, pour des gens à responsabilité limitée, selon leur capacité de résister à l'impulsion qui les fait agir. Mais ils répètent toujours le même acte, de la même manière, avec un automatisme qui enlève à leur geste toute personnalité et souvent leur libre arbitre. Cette criminalité est-elle innée? Elle est ordinairement acquise. Elle se manifeste soudain alors que rien ne la faisait prévoir. Ce n'est pas comme un vice qui est presque toujours né avec le sujet. Les assassins en série commencent souvent très tard. Quel mobile les pousse? On ne sait guère. Ils tuent sans raison. Ou bien ils ne choisissent pas leurs victimes. Ils sont sous le coup d'une excitation d'essence, comme certains érotomanes. Parfois, la simple lecture de tels crimes les détermine à les commettre. Vous avez entendu parler de Jack l'éventreur. Il y a eu aussitôt après lui un grand nombre d'autres éventreurs, déterminés à l'imiter par la seule lecture de ses forfaits. Tiens, tiens, fit Paul Barr songeur, en ce cas ils sont décelables. Ils ont été obsédés par ces lectures, ils les racontent. Ah hein. Ceci vous mettrait-il sur quelques pistes? Précisément. Un bibliothécaire qui parle souvent de ce Jack l'éventreur, précisément. Mais il aussi d'autres causes. Ainsi, certaines couleurs, le rouge par exemple, excitent ces individus, non point contre ceux qui les portent, mais éveillent en eux un sentiment confus qui les pousse à tuer. Vous me dites que ces obsédés tuent chacun à sa façon, mais tuent-ils chaque fois de la même façon? Exactement, je viens de vous le dire. Ils répètent un geste d'automate, comme je vous l'ai expliqué. C'est pour cela que les blessures qu'ils font sont toutes identiques. En dehors de leur crise, car c'est une véritable crise, ils sont souvent normaux et presque toujours doux et inoffensifs. Êtes-vous suffisamment enseigné, mon cher inspecteur, pour résoudre votre cas? On n'en sait jamais trop, mon cher docteur, mais je crois que j'en sais assez maintenant pour la recherche de l'éventreur de Grimaud. En quittant le médecin légiste et dans le train qui le ramenait à Grimaud, Paul Barr ne cessait de penser aux paroles du savant. Cette suggestion née de la lecture qui, chez un être sensible, un vieillard même, pouvait déterminer soudain une crise démentielle et sanguinaire. Il se rappelait ce mot que le docteur Pierre lui avait dit et qu'il avait prononcé aussi un jour en déposant à la cour d'assises où lui, Paul Barr, assistait. On jugeait un égorgeur qui avait fait une série de victimes. Le médecin avait parlé de façon saisissante de ces charcutiers de chair humaine qui agissent en état de transe, dans leur acte assassin et la crise passée, redevenus normaux, sensibles et tendres. Charcutier de chair humaine. Ainsi, ce vieux bibliothécaire qui, à chaque instant, racontait, répétait les sanglants exploits de ce Jack l'éventreur aux 31 victimes, ce bonhomme de Perlino hanté par le crime et par le criminel. Il se proposa de surveiller étroitement ce sujet, qui répondait si bien au signalement du tueur en série. L'inspecteur savait, par tant d'affaires criminelles, ce que savent d'ailleurs tous les policiers. C'est qu'il n'est pas besoin d'une grande force physique pour enfoncer un couteau dans une chair, pour ouvrir un ventre. Et puis, il y a au moment de ce crime, à l'impression de cet assassinat imposé par une obsession, une force nerveuse étonnante. Oui, ce Lino, avec son visage étrange, ses yeux brillants foncés sous les orbites, cette sorte d'idée fixe quant au terrible éventreur de Londres. Paul Barr arriva à Grimaud dans la soirée. En descendant du train, il vit sur la place de la gare des groupes qui s'assemblaient, qui parlaient avec de grands gestes, présentant tous les signes d'une profonde émotion. « Ah !» lui dit, tout bouleversé, un employé de la station. « Nous venons de trouver dans la salle d'attente vide un nouveau cadavre éventré, comme les autres. C'est M. Lino, le bibliothécaire de la mairie. »